Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui j'ai la grande chance de recevoir Anaïs Brunet. Bonjour Anaïs. Bonjour Sarah. Tu es illustratrice et auteure jeunesse. Oui. Voilà, donc je suis vraiment très contente parce que j'ai plein de choses à te demander et à découvrir. Donc on va dérouler un petit peu le programme de cette émission qui va se dérouler en deux grandes parties. La première partie, ce sont 5 questions qui te sont exclusivement consacrées sur ton parcours d'auteur, d'illustratrice et puis sur ta formation. Et puis entrecoupé de quelques coupures musicales. Et puis en dernière partie, on aura le caprice de la semaine que tu voudras bien nous faire découvrir. Avec plaisir. Alors, on peut commencer, on y va. Alors, Anaïs, tu es, j'ai fait une petite liste, architecte, illustratrice, enseignante aussi, tu es donc une artiste à part entière, tu as un parcours à la fois complet et très original. Comment est-ce qu'on devient illustratrice et auteur pour les plus grandes maisons d'édition jeunesse? Alors, je dirais que d'abord, il faut être un grand lecteur ou une grande lectrice. Donc, j'ai toujours une grande passion pour les livres, j'en ai toujours beaucoup lu, notamment en littérature jeunesse. Ouais. Et je suis aussi une grande amoureuse des belles images. Donc, je passe beaucoup de temps dans les musées, à regarder autour de moi et à chercher tout ce que je trouve beau et inspirant. Donc, tu es comme une éponge, quelque part, un peu. Oui, tu absorbes beaucoup de choses. C'est très important pour moi. Ouais. Et mine de rien, je dirais que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air quand on fait cette petite présentation rapide. Mm-hmm. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. J'ai sorti mon premier album à 32 ans. Okay. Parce que j'ai pris le temps d'expérimenter, de chercher et surtout de me sentir prête à me lancer. Donc, c'est compliqué de faire le premier pas, peut-être. Oui, quand on met la barre un peu haute, moi, je ne voulais pas faire un livre pas terrible, commencer dans une maison pour laquelle je n'avais pas trop d'envie. Donc, ouais. J'ai vraiment attendu d'avoir un projet qui soit complètement abouti. J'ai envoyé un livre totalement terminé, ce qui est assez rare comme démarche. Ouais. Et ça a tout de suite fonctionné. Oh, c'est super. Oui, j'avoue. Tu as vraiment bien fait de te lancer. Merci. À ce moment-là, en fait, parce que peut-être que 10 ans avant, t'aurais pas pu. Oui, je crois que c'était pas le bon moment dans ma t'étais vie. T'étais prête. J'étais prête. Ah, c'est chouette. Moi, je trouve que c'est une belle expérience. Alors, deuxième question. Donc, moi, je te disais hors antenne que j'avais eu un vrai coup de foudre pour un des albums que tu as illustré, qui s'appelle Le Grand Poulpe, aux éditions Sarbacane. Alors, et puis un deuxième album aussi que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Regarde mon tableau, entre autres, parce que tu en as fait plusieurs, j'ai vraiment pris le temps de tous les regarder. Tous les deux sont dans des styles extrêmement différents, avec une graphie différente, un contexte différent, hein, parce que chaque histoire est différente. Comment est-ce que tu trouves cette inspiration? Par exemple, pour Le Grand Poulpe, on a ce grand poulpe, alors on a une espèce de connotation où ça fait peur. Et toi, au contraire, tu le rends tout de suite, même en page de couverture, très sympathique. Comment tu trouves cette inspiration? Le livre, je le fais beaucoup en amont dans ma tête. Okay. En général, on me donne un projet plusieurs mois avant que je commence à le dessiner. Et c'est un temps qui m'est très précieux parce que ça va me servir à comprendre vers où j'ai envie d'aller. Je collecte des images aussi. Je fais des carnets d'inspiration, un peu comme des tableaux Pinterest. Okay. Donc, je cherche des références. Parfois, je m'ancre dans une période de la peinture ou dans un pays bien particulier. Et après, je vais chercher des figures qui m'inspirent. Je vais aussi définir une gamme chromatique. Je travaille D'accord. quasiment exclusivement sur des papiers de couleur qui viennent donner une tonalité à l'album. Ok. Et je vais choisir une gamme de couleurs restreinte. Donc, je vais définir si je veux plutôt des roses, des ocres, des rouges, des verts. Et exclure certaines couleurs. J'ai fait un livre sur le deuil, notamment, qui s'appelle L'arrêt du cœur. Et j'ai exclu les couleurs noires, rouges, grises, que je trouvais trop ouais. tristes. Oui, c'est un livre en plus petit format d'ailleurs. C'est je un crois. Roman, oui. Hein, il est plus petit, j'ai regardé aussi. Voilà. Donc en fait, Le Grand Poulpe, on a essentiellement, parce que j'ai le livre sous les yeux, du rouge et du bleu. Oui, du rouge, du bleu, du vert. Et alors voilà. Une anecdote intéressante, parfois ces choix se font un peu à notre insu. Okay. J'ai exposé les originaux du Grand Poulpe à Saint-Malo dans le cadre du festival Les Étonnants Voyageurs. Et un lecteur est venu me voir en me disant « C'est marrant, votre gamme chromatique, c'est exactement celle du livre de Jules Verne, qui est son milieu, 20 milieux sous les mers, ouais. qui est posé là. » Et effectivement, j'ai regardé la couverture et ma gamme chromatique était très précisément celle qui était utilisée pour la couverture des livres de Jules Verne. Tu l'avais en tête inconsciemment. Oui, je pense que je pensais beaucoup à Jules Verne quand on m'a présenté ce grand poulpe ouais. Qui n'est pas très réaliste. C'est ces espèces de grands monstres marins qu'on voit en gravure, où on les voit se battre face à des cachalots sous les yeux impuissants de marins qui sont sur des, oui. des petits bateaux en bois. Donc, c'est vraiment cet univers-là que j'avais en tête. Ok. On va faire une petite coupure musicale et on revient juste après dans ton univers. Merci. know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie d'Anaïs Brunet. Merci Anaïs d'être restée avec nous. Avec plaisir. Alors, je vais te poser une troisième question. Tu as également un parcours d'enseignante, donc pour des lycéens et des étudiants de l'Institut Sainte-Geneviève de Paris. Oui. Quels sont tes rapports avec eux ? Alors, est-ce que tu es plutôt une source d'inspiration ? Est-ce que tu as un... Ça m'intrigue un peu. Est-ce que tu as un parcours d'enseignement bien figé ? Comment ça se passe quand on a ta carrière, par exemple ? Alors, moi, je travaille dans des conditions extrêmement privilégiées puisque je les ai en pratique plastique. Okay. Et en demi-groupe. Donc, ça veut dire que j'ai face à moi des groupes de 15 ou 16, soit lycéens, soit étudiants. Et je ne suis pas tellement une prof qui va être dans la transmission, je sais, et vous écoutez. Ouais. Je vais plutôt créer un cadre de travail et leur dire, on va faire ça comme projet, on va y aller ensemble et je vous regarde faire. Ah oui, donc tu cadres le projet et après, c'est eux qui font. Voilà, en fait, j'ai horreur de m'ennuyer, donc déjà, je ne fais pas les mêmes cours tous les ans. Ouais. Et j'adore apprendre aussi, donc ce que j'aime, c'est apprendre avec eux. Donc je vais leur dire, tiens, on va faire... Et si on faisait de la céramique ? Allez. Donc, je trouve un partenariat avec une école qui fait de la céramique. Okay. Je les emmène, j'apprends en même temps qu'eux et puis je pose les galons pour qu'ils apprennent la céramique en ma présence. Et qu'est-ce qu'ils disent de toi ? Qu'est-ce que tu as comme retour, toi ? Est-ce que tu as des retours Est-ce que tu as des retours plutôt... parce que quelquefois, il y a des enfants, pour avoir fait quelques trucs scolaires, mais sur des niveaux beaucoup moins élevés, dire « Ah, c'était trop bien !» Je veux dire, pour là, tu as tout gagné quand on te dit ça. Absolument, oui. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'enseigner. Je les aime beaucoup, je les aime énormément et j'ai des retours plutôt positifs. Ils me disent qu'ils ont l'impression d'avoir appris. Et j'ai l'impression aussi de les respecter beaucoup, de les écouter beaucoup et de ne pas me mettre moi au premier plan, de les mettre eux au premier plan. Et je crois qu'ils sont assez sensibles à ça. Ouais, donc tu es plutôt accompagnante. Oui, c'est vraiment comme ça que je me vois. Ah, c'est chouette. Puis du coup, je trouve que dans cette période, ces jeunes ados ou jeunes adultes ont aussi besoin d'être entendus, mais que ce soit sous forme d'art ou... C'est important qu'ils aient aussi leur voix. Oui, mais enfin, ce qui est incroyable, c'est ma façon d'être avec eux, le cadre dans lequel je peux le faire. J'ai vraiment énormément de chance par rapport à mes collègues de langue qui vont avoir 32 élèves pendant une heure et il faut faire parler tout le monde, c'est pas possible. Oui. Alors que moi, pendant 2 heures, je les mets au travail et moi, je me balade dans la salle, je m'assieds à côté d'eux, on regarde leur projet, je leur dis, ah, tiens, c'est marrant, t'as essayé de faire ça à l'encre et tu connais ce peintre et on papote comme ça pendant 10-15 minutes et après, je passe au suivant. Ouais, c'est génial. C'est Ah ouais. Exceptionnel. J'ai l'enseignante rêvée pour tous les élèves. Alors, en 2020, tu as reçu le prix Sorcière pour le livre dont tu parlais tout à l'heure, L'Arrêt du cœur. Ce prix est organisé et initié donc, pour l'Association des bibliothèques de France depuis 1986. Donc, c'est quelque chose de bien ancré dans le paysage culturel. Quelle a été ta réaction? Comment ça se passe quand on dit « Ah, bah, vous avez un prix ». C'était une grande joie pour moi et pour l'auteur Agnès de Backer. Parce que la pratique de l'illustration et de l'écriture est très solitaire, à part les quelques échanges qu'on a avec la maison d'édition. Et c'est toujours un moment très émouvant quand on lâche le livre et qu'on a les retours du public et de la critique. Et oui, ça fait énormément de bien. On a beaucoup de chance en France d'avoir ce réseau de bibliothécaires et de libraires engagés qui défend le travail des auteurs et qui vont vers des sujets qui ne sont pas très vendeurs. Là, L'Arrêt du cœur, c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd une de ses amies qui est une vieille dame. Et c'est un livre entier axé sur le deuil que moi, je trouve nécessaire. Mais c'est sûr que ça fait moins vendre que Barnaby va sur le pot. Oui. Voilà. Je dis ça sans... Oui, bien sûr. Ça paraît méprisant. Ces livres sont nécessaires, mais c'est aussi nécessaire d'aller vers des sujets qui sont moins vendeurs. Et plus forts, mais qu'on aborde moins parce qu'il y a une certaine pudeur aussi derrière. Oui, qu'on n'aborde pas. Puis les sujets dont on n'a pas envie de parler avec les enfants ou qu'on a peur soi-même de regarder en face, comme la mort. Donc, heureusement que les livres sont là pour en parler. Complètement. On va faire une dernière coupure musicale et on revient juste après pour la dernière question et le caprice d'Anaïs. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Oh. Caprice de lecture sur Fadjet. Alors Anaïs, tu es avec nous pour cette dernière partie d'émission. Et la dernière question, est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns de tes projets pour le semestre à venir ou pour l'année 2023? Oui, j'ai beaucoup de projets. Là, je commence à en avoir beaucoup à la queue leu-leu. Donc c'est à la fois très excitant et un peu stressant. Ouais. Je vais continuer une série que j'ai commencée chez Didier Jeunesse autour des phénomènes climatiques. J'ai déjà fait neige et orage, donc va suivre soleil et pluie. Ok. Je vais travailler avec les éditions Helium, donc ça c'est un vieux rêve parce que j'adore cette maison d'édition. Et je vais travailler autour du thème de Noël et fabriquer un espèce de livre interactif, calendrier de l'Avent, crèche, je ne peux pas trop en dire plus, mais ça va être très intéressant à concevoir. Donc il va sortir au moment de Noël, je suppose. Noël 2023, parce que les temps de l'édition sont assez longs, donc ouais. Il faut se projeter loin. Ok. Alors moi, je suis une fan de Noël, donc j'en veux bien. Ah bah écoute, je t'en ai à mettre un de côté. Moi aussi, c'est incroyable. J'adore Noël. Mais Noël. Elle m'a dit, voilà. Tu veux faire un livre sur Noël? Oh, trop bien. Oui, donc c'est des beaux projets. Oui, c'est merveilleux. J'ai hâte d'y être et en même temps, je savoure chacun d'entre eux puisqu'il y a un petit baby blues à la fin de chaque livre. Ah oui, c'est fini. Oui, oui. Alors en général, la dernière planche, je lambine à fond parce que voilà. Tu sais que c'est la fin. Oui, ce livre sur Monet, par exemple, je me suis régalée à le faire et à la fin, j'ai traîné, je peaufinais parce que j'avais pas envie de quitter cet univers de Monet, cette maison de Giverny. J'avais l'impression d'avoir passé des vacances enchantées et j'avais pas du tout envie de partir. Ah ouais, c'est marrant. Mm-hmm. T'es avec tes personnages et avec ton univers. Oui, oui, je suis un peu complètement immergée. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'a plu? C'est le caprice de la semaine. Est-ce que tu peux nous... Oui. Alors, je vais parler de la série Sauveur et fils de Mario de Muraille. Oui. Alors, pour ceux qui, comme moi, sont accros à la série en thérapie, vous allez aimer cette série parce qu'elle raconte un psychologue et son fils. Et en fait, le long de cette série, on va rencontrer des patients, des adolescents et des enfants qui sont en souffrance, mais c'est extrêmement drôle. Et ce qui m'émerveille dans cette série, c'est la connexion qu'il peut y avoir entre l'auteur Mario de Muraille et les enfants. Vous m'avez demandé en début d'émission ce qu'il fallait faire pour faire de la littérature jeunesse et j'ai oublié le plus important qui est qu'il faut vraiment aimer les enfants. Je pense qu'il faut aimer son lectorat. Et Mario de Muraille, c'est des auteurs comme ça, comme Marie Desplechin. Elles avancent dans la vie, elles sont de plus en plus loin de leur enfance et pourtant elles ont une connexion immédiate avec les enfants qui est liée au fait qu'elles les adorent. Je pense qu'elles s'intéressent profondément aux enfants. Donc elles sont beaucoup plus à l'écoute. Oui, peut-être. Je pense que vraiment, en fait, elles prennent les enfants comme un interlocuteur à part entière, de qualité. Elles adorent parler avec les enfants, discuter avec eux, écouter, savoir ce qui se passe dans leur vie en ce moment. Elles savent ce que c'est que TikTok, des choses comme ça. Ouais. Elles sont vraiment dans le coup, comme on dit, et je trouve ça incroyable parce qu'elles vieillissent pas, elles s'intéressent trop au monde pour vieillir. C'est chouette. Oh, c'est un bel hommage en plus que tu rends. Je trouve ça magnifique. Merci Anaïs d'avoir été parmi nous. Cette émission de Caprice de lecture s'achève. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir. Au revoir. Caprice de lecture sur Fadjet.